changé beaucoup depuis la dernière fois que j'ai parlé. J'ai quand même amélioré un peu le système. Mais bon, au moins ça fonctionne beaucoup mieux que ce que c'était avant. Tu donnes, puis quand t'as besoin de quelque chose, Quand quelqu'un donne quelque chose, ben, tu peux le recevoir. C'est une bonne manière d'avoir certains articles gratuits. Ça m'a aidé beaucoup, surtout pour mon apprentissage de Linux, malgré que je ne suis pas un maître Linux, comme quand j'en connais quelques-uns. Mais au moins, j'ai pu quand même essayer Linux. Comme ça, au moins, ben là, au moins ça réduit les coûts de production de la musique, puis des graphiques aussi, parce que je me sers de GIMP et puis de Inkscape pour faire les graphiques de pochettes pour aller avec ma musique. Ben, tu sais, en fait, c'est quand même une bonne manière d'économiser beaucoup d'argent. Si tu calcules les prix des équivalents commerciaux, c'est quand même 4 000 $ facile juste en logiciel. Bon, j'utilise Windows encore là, pour des raisons de commodité puis des logiciels que j'ai déjà payés. C'est quand même, on paye, fait qu'on peut se servir de ce qu'au minimum on a payé. Au pire, ce que j'ai pensé, c'est de tout convertir mes ordinateurs en Linux. Juste être sûr et certain d'avoir un ordinateur qui est capable d'avoir un virtual PC. Hein? Fait que comme ça, je pourrais avoir Windows au moins, Windows 98 et Windows XP dans Linux, malgré que j'ai pensé aussi d'aller sur le côté de Mac. Mais bon, Mac, il n'y a pas plus le nécessaire que j'utilise dessus. Ben, il y a déjà plusieurs programmes de grand nom là, que je pourrais utiliser avec Mac. Mais comme je dis, FL Studio n'y est pas pour Mac, à part que certains plugins que ImageLine fait. Mais autre que ça, bof. Il n'y a pas vraiment grand-chose que ImageLine fait pour le Mac. Bon, c'est pas parce que Mac est pas bon, il a quand même ses forces, surtout au niveau du vidéo. Parce que, tu sais, j'ai pensé à vouloir faire de la vidéo dernièrement. Sur Windows, j'ai trouvé plusieurs petits programmes intéressants, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai pas une bonne machine pour faire la vidéo dessus. Disons que 5 minutes de vidéo, ça prend un peu trop de temps à encoder parce que j'ai fait un petit mini vidéo test et puis cette vidéo-là m'a pris facilement 6 à 7 heures pour encoder. C'était avec Windows Movie Maker 2. C'est presque parce que j'ai pas un processeur ben bon. L'autre chose que j'ai pensé, ça serait de faire un cluster de PC ensemble, combiner la puissance de tous les PC ensemble, plutôt les processeurs, là. Déjà, j'ai envie, si je combinerais tous les ordinateurs que j'ai, ensemble, j'aurais l'équivalent d'un ordinateur de 8 GHz. Ça serait quand même pas pire pour l'audio et la vidéo. Mais bon, je suis pas encore assez bien ancré dans Linux, en fin de connaissance, pour pouvoir commencer à faire du clustering comme ça. Malgré que j'y pense de plus en plus à essayer, surtout avec des live CD. Ben, ce serait une idée, surtout vu que tu calcules qu'en tout, avec tous les ordinateurs, là, 8 GHz, hein, je pense qu'à date, il n'y a pas une machine qui est capable de faire ça, à part que si tu overclock le CPU au maximum. Ça la seule manière vraiment à pousser la machine à une telle puissance. Mais là, même à ça, une machine qui roulera si vite que ça en processeur, et je ne veux pas imaginer une minute à Tandis que là, en ayant chaque machine combinée ensemble, ça donne moins de chances que ça arrive, mais ça en donne même plus de ce que tu peux avoir physiquement dans un ordinateur. Puis, ça donne moins de chances de briser le matériel des ordinateurs. Mais n'empêche pas que si, mais encore là, ça serait risqué. Si je ferais overclock des CPU, je pourrais en gagner un petit peu plus de puissance. Fait qu'avec ça, si overclocké, je gagnerais même 3,3 GHz. 0, non, c'est ça, 0,3 GHz chaque. Ça donnerait quasiment 10 GHz pour tous les ordinateurs que j'ai. Fait que ce serait quand même une idée à penser un peu. Ça serait quand même pas pire, ouais. Je sais pas, par exemple, si ça combine toute la puissance de la RAM qu'il y a dans chaque ordinateur ou si c'est juste au niveau du CPU, par exemple. Ça serait quelque chose que je devrais vraiment garder pour voir. Parce que ça serait malade de combiner au maximum la puissance de chaque ordinateur, même autant sur un côté que l'autre. Parce que d'après mes recherches, c'est un procédé qui existe depuis la fin des années 70, début 80. Si ça s'utilisait dans ces années-là, j'imagine qu'aujourd'hui, ça devrait être profitable de faire ça. Surtout vu que si tu reçois des ordinateurs qui sont anormaux, que tu payes pas via le Free Cycle, ça devrait valoir la peine de faire quelque chose comme ça. Bon, ben, après tout, ça c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher, ça? Linux, je dois dire, c'est vraiment, malgré qu'il n'est pas facile à apprendre au début, il y a vraiment de l'avenir dans Linux, vu que c'est open source. Il y a quand même une bonne quantité d'informations à comment l'utiliser. Au moins quelqu'un qui est capable d'apprendre un minimum, c'est quand même pas pire. Parce que je l'ai installé une fois, juste le basic, là, pas rien de trop compliqué. Puis, j'ai pas eu de misère vraiment à l'installer, comme il y a beaucoup qui disent que c'est compliqué. La seule chose que j'ai eu un problème avec, c'est qu'il a fallu que j'aille chercher dans des magasins de pièces usagées pour un modem, un hardware modem. Parce que le modem qu'il y avait dedans, il fonctionnait pas. Fait qu'au moins, j'ai pu essayer de me connecter sur Internet. Mais bon, à part que ça, la carte de son qu'il y avait dans les ordinateurs, c'était toutes des Sandblaster Live. Les cartes de vidéo, j'ai jamais eu de problème en tant que tel. Seule chose, c'est que je pense pas que tous les ordinateurs sont capables de faire du 3D, mais ça, c'est pas grave, ça, parce que l'utilisation que j'en fais, c'est vraiment minimum côté graphique, mais plutôt côté son et utilisation générale. J'ai vraiment pas eu de problème, tu sais. C'est quasiment comme installer Windows, sauf les programmes, ben ça c'est un petit peu différent, c'est pas juste comme clic-clic, puis ça s'installe tout seul, mais vraiment, là, juste le Linux lui-même, c'est vraiment le fun à installer. Puis vu que tu peux l'installer dans n'importe quel PC, ça donne une bonne flexibilité dans qu'est-ce que c'est que t'as, puis t'as pas besoin de payer. Même si t'as 150 ordinateurs, tu peux l'installer sur tous les 150 ordinateurs sans problème. Ouais. Et Je peux dire une chose, c'est que c'est vraiment le meilleur objet à 5i dans tous les systèmes d'exploitation d'ordinateur. Puis en plus, j'ai des CD de mise à jour gratuits à toutes les années à part de ça. Fait que ça c'est pas mieux que ça. Je veux dire, Microsoft fera jamais ça. T'as donné une copie de Windows qui vient juste de sortir. Même les bêtas, là, que Windows avait sorti, ils sont expirés. Enfin, c'est ça qui est cheap de Microsoft quand même. Le fait qu'ils sont si propriétaires de ce qu'ils font. Puis, enfin, bon, ils sont en train de perdre, même malgré les attaques qu'ils ont faites envers Linux. Hein. Et ça n'a pas marché fort fort, là. Tu sais, je veux dire, les hauts placés de Microsoft, là, puis Bill Gates, là, ils pensaient nous faire peur, là, un an ou à peu près 2 ans de ça avec leur mise en demeure qui disait que Linux contrevenait à la loi parce qu'il y avait trop d'affaires qui étaient copiées de Windows. Et en tout cas, en fin de compte, ça n'a pas marché parce qu'ils ont retourné en arrière, ils n'ont pas continué de l'avant parce qu'ils savent d'une manière ou une autre, il y aurait peut-être eu une bataille pour rien, puis qu'il y aurait peut-être perdu. Il y a de plus en plus de monde que je connais qui s'en vont par Linux pour le simple fait que ça coûte trop cher, Windows, surtout comme je dis, 350$ pour le Windows Premium, le Windows Vista Premium, ça coûte cher. Surtout si tu commences à acheter leur logiciel à Microsoft, 1000$ le Office Suite complet. Si t'achètes tous tes autres petits cossins, là, c'est vraiment pas évident, là, t'sais. Malgré qu'ils ont peut-être pas fait de open source, mais il faut quand même bien dire que Microsoft, il donne beaucoup de freeware dernièrement. C'est déjà demi-mal. Au moins, on sait que à un minimum, si on sait que c'est correct pour Windows, regarde bien Windows, les produits Microsoft, là, dernièrement, ne sont pas tous top numéro 1. Ça, c'est une affaire complètement différente là, en ce moment. Mais bon. Ça, c'est des grosses affaires pour penser. Quand déjà tu es dans un budget, tu as deux options vraiment spécifiques. Soit tu vas Linux, tu restes légal, tu as un système qui coûte rien, puis tu as tous les logiciels que tu as besoin dans les principales pour remplacer tout ce qui est Microsoft, Adobe, et puis tous les autres gros programmes commerciaux, même FL Studio, même. Je veux dire, franchement, là, le LMMS qui est supposé de remplacer FL Studio dans Linux, là, c'est vraiment pas pire qu'en tout, cette affaire-là. Hein. Il y a quand même une grosse partie comme bien faite, puis quand même rapprochée de ce que FL Studio est. Il y a beaucoup de plugins qui marchent de la même manière, exactement pareil, juste une interface différente. Mais c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire pas en tout, là. Faut quand même penser qu'il n'est pas complet. Seule chose que j'utilise avec LMMS, j'utilise LMMS Zen Add Sub Effects quand même pour les instruments vraiment plus complexes, vu qu'il manque encore beaucoup d'éléments à LMMS. Ça c'est réglé. Au moins avec LMMS, au moins, ça donne le basic pour jouer avec les avec ça, tu peux faire des samples de sons dans quasiment, littéralement, je devrais dire, toutes les catégories de sons possibles. C'est du son du AM synth au FM, granular synth, là, vraiment, tu peux faire de n'importe quoi, même des effets spéciaux quand même assez intéressants. Bon, après ça, t'as Audacity qui quand même te permet d'enregistrer les vocales des instruments qui passeraient par la carte de son. Tout ça que tu peux aussi router avec le jack plug system qui sera l'équivalent de ASIO ou de Rewire parce que tu peux router d'un programme à l'autre les sorties de son, les sorties MIDI, puis tu peux les brancher à n'importe quel logiciel qui a le support pour ça. Puis, je dois dire, c'est quand même un principe qui est intéressant, ça. Parce qu'avec Zenad Sub-Effect, tu branches LMMS à Zenad Sub-Effect. Après ça, tu sors les sorties de son, les sound output de LMMS et puis de Zenad Sub-Effect. Tu les branches au input de Audacity. Fait que là, après ça, tout ce que tu séquences en MIDI dans LMMS, au moins il va jouer aussi sur les instruments appropriés dans Zenad Sub-Effects, puis le tout va être tout mixé ensemble dans Audacity. Dans Audacity, en plus, tu calcules que t'as des effets de toutes sortes, tous les hotspots. Fait que ça donne beaucoup de possibilités. Ça donne une possibilité de retoucher les morceaux, puis même de rajouter les vocales, puis toutes les autres petites affaires qu'il y a à rajouter par-dessus. C'est vraiment le fun quand tu y penses, tout ça, là. Je veux dire, comment de personnes qui ont payé beaucoup d'argent pour avoir les gros programmes de même, puis dire qu'il y a du monde qui font des programmes qui sont donnés gratuitement, puis que t'es pas obligé de payer. Tu sais, je veux dire, si tu trouves le programme utile, puis que tu tiens beaucoup à ces programmes-là, c'est sûr certain que tu peux donner des dons, mais je veux dire, t'es pas forcé à le payer. C'est par la loi, là, tu sais, comme. T'es pas obligé de le payer. Si t'as les moyens de le payer, tu veux payer pour à chaque version, tu donnes un don qui serait dans la valeur que ça vaut à chaque fois. Moi, je serais prête à payer, avoir les moyens pour. Vraiment, je donnerais de l'argent à ces gros projets-là qui, d'après moi, valent la peine. Surtout quand tu t'en sers dans le cadre de Linux. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'il serait travaillé. Parce que même moi-même, regarde à date, là, que j'essaie de vendre ma musique au commercial en utilisant Watoon, mais d'une autre manière, j'essaie de garder ma musique gratuite. Je garde ma musique open source parce que si j'avais les moyens de m'avoir un site, puis tout le gros kit complet, bon ben, je me taperais littéralement un site, puis je vendrais ma musique, la même chose, mais la seule chose, c'est que j'aurais pas des licences commerciales standard. J'utiliserais une licence Creative Commons, tu sais. Au moins, avec ce genre de licence-là, au moins, je pourrais vendre ma musique en donnant le droit aux personnes de pouvoir copier la musique, la redistribuer, oui, à d'autres personnes. Et puis, moi, je crois que, vraiment, si les personnes apprécient beaucoup qu'est-ce que je fais, d'une manière ou d'une autre, ce monde-là, s'ils aiment qu'est-ce que je fais vraiment, et ceux qui reçoivent de la musique gratuite, ils vont venir sur mon site, puis ils vont sûrement faire un don en plus gros montant que celui qui va l'aimer plus ou moins, ou s'il ne l'aime pas pantoute, il n'est pas obligé pantoute de venir l'acheter ou de faire un don. Puis les ceux qui ne veulent pas payer, bon ben, ils sont servis quand même de la musique. C'est comme qu'ils disent, si tu peux pas les battre, mais tu vas les joindre. Tu sais, je veux dire, pourquoi se donner tant de misère que ça à combattre? Hein? Quand je veux dire, si tu donnes ta musique, ou tu la vends, et tu vas avec une genre de liberté, ou une liberté que le monde, tu sais, sent pas étouffé. C'est ça qui arrive dans la musique, c'est que le monde sont étouffés par les prix qui n'ont pas de sens, puis la musique plate. Je veux dire, c'est insultant pour celui qui achète sa musique, puis qui n'aime pas tant tout qu'est-ce qu'il achète. Je veux dire, ça arrivait à tout le monde à date, là, tu sais. Je veux dire, acheter un album, puis tu réalises que la seule chanson qui est vraiment bonne dessus cet album-là, c'est la seule chanson qui joue à peu près comme 150 fois à la radio. Tu sais, je veux dire, on l'a déjà entendu, puis les autres, c'est de la merde de total. Tu sais, je veux dire, c'est insultant, ça. Même moi-même, moi, j'ai acheté de la musique avant de la faire, puis ça m'est arrivé souvent d'acheter des albums d'après, des fois, les singles qui jouent à la radio répétitivement, puis que j'ai réalisé que le reste va la même campagne. J'ai payé quoi, 15-20$ pour un CD. Tu sais, je veux dire, quand tu sais que l'artiste est vraiment bon, qui vaut la peine, ben là, tu l'achètes, puis tu supportes ton artiste. Puis en plus, qu'est-ce qui est un autre insulte aux ceux qui achètent la musique? C'est les DRM ou les, comme ils disent en anglais, les Viral Music Protection. Tu sais, en fin de compte, c'est un virus qui t'empêche d'écouter ou de copier le dit album. Tu sais, je veux dire, ça, c'est l'insulte par-dessus l'insulte. Tu sais, puis de l'autre manière, si tu achètes sur Internet, mais là, t'as encore, c'est comme les programmes. Tu as le choix entre deux manières d'avoir ta musique. Soit que tu achètes de la musique commerciale, soit que tu downloads illégalement ta musique, ou que tu achètes pas pantoute de musique commerciale, puis que tu downloads des musiques libres de droit en Creative Commons, ou domaine public. Ça, je veux dire, c'est ça qui est le point fâchant, c'est quand tu es une personne qui achète de la musique. C'est pour ça que d'une manière aussi, je suis réticent à vouloir vendre, parce que moi, étant un consommateur, je sais les raisons pourquoi que j'aurais pas envie d'acheter de la musique. Puis d'une autre manière, je voudrais pas imposer ça sur les autres. Bon, il y a aussi le fait que qu'est-ce que je fais, c'est quand même de la musique expérimentale, très expérimentale, oui. Et puis que d'une manière ou d'une autre, c'est pas tout le monde qui voudrait écouter qu'est-ce que je fais. Fait que, tu sais, déjà vendre la musique que j'ai peu de chance de vendre en tant que telle, à moins de vraiment là, faire quelque chose qui accrocherait une groupe exécutif, là, genre d'une compagnie quelconque là, qui fait dans des musiques expérimentales, mais encore là, Max, ça me donne rien de visé pour ça non plus, parce que c'est tous des labels privés. Je veux dire, ils acceptent peu ou rarement la musique des autres artistes. Puis, d'une manière ou d'une autre, c'est soit ça, ou ces autres qui vont contacter après avoir entendu ce que t'as fait. Bon, j'ai quand même ma publicité faite sur Internet, hein, tu sais. Je sais pas, depuis 2004, je suis quand même pas restée assez sur mon cul à rien faire, là. Tu sais, je me suis fait de la publicité partout. Je me suis inscrite à plusieurs sites de musique. J'ai quand même eu des réactions variées à ce que je fais, tu sais. J'ai le fruit club, c'est quand même le site qui m'a parti pas mal là, au début. Puis bon, eux autres, c'est plus hip-hop, rap, dance, trance. C'est pas parce que j'aime pas ça, ces gens-là, au contraire, j'aime beaucoup. Mais le fait que moi, je veux pas faire du mainstream. Je veux rester dans les musiques plus expérimentales, ou, tu sais, expérimentales, ambiance, tu sais, ou tout ce qui peut avoir rapport à la noise, tu sais, noise genre, puis ce genre de musique-là, qui est peu conventionnel, même si tu vas dans les power noise, noise rock, tu sais, il y a quand même un côté noise avec le côté un petit peu plus mainstream, mais ça reste toujours quand même dans un domaine qui est vraiment là, expérimental. Puis le point focal de tout ça, ça reste la noise, tu sais, le bruitage des sons qui seraient en normal, insupportables pour la personne normale. C'est quand même, c'est pas à la portée de tout le monde.